Montre-moi l'arrêt de l'héros et je te dirai ce qu'elle vaut. Putain d'odeur de caniveau, ton pilon montre le niveau. Je ne suis pas un nouveau, je suis bédaveur des temps médiévaux. Oh, trop bâtard et le cerveau, je ne fais plus jamais aucun travaux. Je te propose de fumer sur mon blunt et d'entrer en hypnose. Des hallucinos, on tape la pause. Fume un bédo, fais une pause. Ce soir c'est moi qui arrose, qui me décompose, qui superpose. Tellement de bugs qui fait que j'en explose. Des tas de roses qui eux s'éclosent et forment des choses qui font des moments close. Pourquoi en cause? Je saigne sans ménopause. C'est décupé. Et je m'allume ma jeune bédo. Et je m'allume ma jeune bédo. Oh, oh, oh, oh, oh. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. De putain d'idées à présent, je ne ressens plus rien. Je ne ressens même plus les battements que j'avais à chaque fois que je te regardais en face à face. En briser la glace, il n'avait le reflet de ce que je voulais voir. L'amour en t'aveugle, c'est pour ça que je préférais tomber amoureux du soleil. Et ça va me dire que je suis en train de me faire du mal à vouloir lui trouver son bien. Et tu le sais très bien que j'aurais préféré rester avec vie avec toi. T'as joué avec moi, maintenant c'est à mon tour d'être heureux. T'as joué avec moi, maintenant c'est à mon tour Toy Story. Je dois me donner des idées à trouver pour pouvoir retrouver enfin ce qui m'était ordonné. J'ai souvent pardonné des erreurs, mais souvent coûté des erreurs du bédo à partager. Et je m'allume ma jeune bédo. Et je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo. Tous les jours je m'allume ma jeune bédo.